n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Ils auraient jamais dû te relâcher. Je suis sûre que t'es un vrai parano. Marre les filles, marre le cul, marre le temps, marre tout ça. Marre les filles, marre le cul, marre le temps, marre tout ça. Carole, Carrie, Ingrid et Justine, toutes ces filles ne veulent pas venir avec moi. Allô, allô, qu'est-ce que tu fais dans la soirée? Je peux pas vivre en Alouda. Et moi je reste là comme un connard. Mais je m'en fous, moi je suis un bioman. Bio, bioman. Bio, bio, bioman, aux puissances intersidérales que rien ne peut arrêter. Tesla, mais oui. Je m'en fous, moi je suis un bioman. Bio, bioman. Bio, bio, bioman, aux puissances intersidérales, plus fort qu'un super guerrier. Bosser, taffer pour pouvoir payer toutes les factures qui n'arrêtent pas de tomber. Allô, allô, tu peux venir servir aujourd'hui toute la journée. En attendant, c'est moi qui bosse comme un taré. Tesla, oui. Mais je m'en fous, moi je suis un bioman. Bio, bioman. Bio, bio, bioman, aux puissances intersidérales que rien ne peut arrêter. Mais je m'en fous, moi je suis un bioman. Bio, bioman. Bio, bio, bioman, aux puissances intersidérales, plus fort qu'un super guerrier. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Marre le cul, marre le temps, marre tout ça. Marre les filles, marre le cul, marre le temps, marre tout ça. Marre les filles, marre le cul, marre le temps, marre tout ça. Marre les filles, marre le cul, marre le temps, marre tout ça. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Mais je m'en fous, moi je suis un bioman. Bio, bioman. Bio, bio, bioman, aux puissances intersidérales que rien ne peut arrêter. Tesla, oui. Mais je m'en fous, moi je suis un bioman. Bio, bioman. Bio, bio, bioman, aux puissances intersidérales, plus fort qu'un super guerrier. Vous ne vous reposez jamais, vous. Es-tu ma boule, docteur? Ah bah oui, complètement, ça oui. Ah, très bien. Ça oui, pour faire une chose comme on écoutait tout à l'heure. Complètement, complètement givré, ça c'est...